c'est la MyFi. It's a new day, it's a new life. I'm feeling. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 8 avril 2022. Il est 22h à Montréal et vous êtes pile à l'heure pour votre rendez-vous avec la plus belle actualité des musiques hybrides émergentes de notre époque. Vous êtes sur les ondes de CISM au 89.3 FM. Bienvenue dans la MyFi. You see, the thing about the mind is, it'll have you thinking one thing and doing another. You gotta point that thing in the right direction. Tell it where you wanna go. You'll be all lost out here trying to find your way. Look at where we live. No one round here's got a care to give. Yeah. Steady ducking cops and raising kids. Yeah. We say fight for what? Fill half a cup. Yeah. Hanging from the trees was the strangest fruit. Forbidden song, a haunting melody. Tingling on the breeze, the pool was all so sweet. It said, fight for what? Fill half your cup with poison. There's no air in the city, okay. And I can't breathe. Yeah. Winds in the sky, our pockets are empty. Tell me who. Get your hand off my ass, motherfucker. Shit. Living on a ledge, like I just might jump. I just might choose to live instead. I can't give up, but I can't shut up these voices in my head. They say fight for what? Fill half your cup with poison. Was a good video spread all over the web on YouTube. Turn my eyes away, looking for a heaven, a cloud to float away on. I said, fight for what? Filled half my cup with poison, and the angels I said, fight for what? Filled half my cup with poison. What you're going through, don't run away from the truth, brother, sister, friend. You can't run away from the truth. We get it by. Or we could all just get high. Pretend like we're getting by. Ouverture de ce nouvel épisode de La MyFi avec le nouvel et troisième album d'une demoiselle de Los Angeles dont la soul R&B d'inspiration plutôt classique se mêle de plus en plus à des productions on ne peut plus contemporaines, gérées par une palette variée de metteurs en son situés sur le front de ce qui se passe aujourd'hui dans notre joli monde funky. Nous venons de quitter The Ledge, extrait de The Gift Around the Way Queen, troisième et nouveau long format de Jimetta Rose. On poursuit toujours au sein des belles nouvelles d'aujourd'hui aujourd'hui et toujours parmi ces artistes qui puisent dans le passé pour élaborer la bande-son du temps présent. On passe tout de suite à un rappeur qui lui nous avait d'ailleurs plutôt habitué à se propulser dans le futur, un futur dans lequel l'agressivité l'emportait, alors qu'ici c'est vers la nonchalance old school que l'on évolue. Changement de décor et ralentissement de tempo donc pour le MC de Floride installé lui aussi à Los Angeles. Nous écoutons The Hills, extrait du 5e et nouvel album de Denzel Curry. My mind is a playing field for mental arguments. My thoughts are saying my emotions is who started it. My personality always conflicts with other people. The good in me has never been conscious of seeing evil. I could be ferocious in my times of feeling feeble. Sick of life's ills, it could be short for illegal. Common sense of victim to sensory deprivation. The mediator met with it all is in meditation. Lord invited me to stay idly on this left side, so I could write my wrongs in these songs to live and let die. Channeling Notorious, Machiavellian left eye. Son of Ra, speaking no horrors to see who am I. Top of leaders running with demons, cunning and thieving always. Silhouettes surfing and stretching through mental hallways. Demons on my mind, ain't nowhere to hide really. Then 9 minutes later, I'm met with a 9 million. So 9 times out of 10, I'm probably going to hell cause I'm the devil. Which means I sold my soul to myself, shelf all my worst fears in a mason jar of glasses. Next to all the dreams and things I ever imagined. Book of magic, Silver Solomon is a talisman. Speak my name in vain, it would be met with some challenges. I devise a way to rise, time to strategize. The purest form of Zeltron made me alkaline. I'm seeing illusions in the pockets of my brain. I use it to find a way to illustrate my pain. Confusion, cause you don't understand the word I'm saying. Forgive me for all I done, cause I be barely praying. The kid inside me always seems to man up. The higher power is within myself, no need to pan up. Believe in ULT the way your child believes in Santa. Manipulate the masses and the media on camera. Black holes and white lights, white noise and black sun, shadows and bright lights, a glimpse back in action, surrounded by dismay. I display visions of a way for heaven on earth and hell on earth to fight for night and day. Apocalyptic host conflict against my optimistic hopes. The ropes around my neck, the golden chains for me to choke. My notes reflect the locks and the flames that burn across in my very nation. I walk with my peers surrounded by chalk. Deities in darkness meeting at my dinner table. Deeper than rap, my knife is real, this is my mystic favorite. Play the bad guy just to finish the race first. Cause the last guy was nice, but he ended up dying of thirst. I'm seeing illusions in the pockets of my brain. I use it, then find a way to illustrate my pain. Confusion, cause you don't understand a word I'm saying. Forgive me for all I done, cause I be barely praying. I'm seeing illusions in the pockets of my brain. I use it, then find a way to illustrate my pain. Confusion, cause you don't understand a word I'm saying. Forgive me for all I done, cause I be barely praying. Sparking the whip, now I'm adjusting my fit. Parting my shift, he had enough of my issues. He pulling sticks out the tail, far with it. Front toe stuffed in it, keep it low for a minute. He paranoid, farewell to the boy they can't avoid. Still hearing his mama voice, found drugs in the void. That's his only choice, ain't no right. The hate if it's about this, this shit he like. I could've sold him up the moon, made me fly you a kite. Here we are, copping out of a law, setting the bar. Posse welfare, put it on your head, you'll die. 5-figure discount, need he to pull it out in July. All my life, I had to fight, so it's resolved you. So if you'll never help but always ask what you've been up to. Never mind, mind, been so bright, bright. This is outside, read the sign, it's a landmine. Hope your man find, if not, I'll fuck it, I won't be there for the debacle. I ride shiny, me and shorty about to hit the brothel. Just to collect SMS in my set like this the rest. Playing less, bitch, we carried the city before we left, yeah. Yeah, yeah, make sure you got my dough before I go loco. They wasn't with me when I was a loco. Put on fencing and see enemy with no show. I'm never doing this shit again for no dough. That's a no-no, that's a no-no. Make sure you got my dough before I go loco. They wasn't with me when I was a loco. Put on fencing and see enemy with no show. I'm never doing this shit again for no dough. That's a no-no. Shout out to the one and only Crisis. You a bad boy for this one. Let me tell y'all something. Now I've seen a lot of good, seen a lot of bad. I mean, I've been living quite a while. I just wanna focus on what's good. You know, things that make me say wow, you know what I mean? MJ's off the wall, Thriller LPs, work ethic, a box of calls, skill set, a B.I.G., wordplay, a Nas, militants, a Chuck D, state presence, a BDP, showmanship by Running D, 411 by Mary J, million sold by TLC, the emergence of Death Row, Wu-Tang, getting it green, the sounds of Robin Esther, still reigning supreme like, them melon full, but them hungry, wanna stay in the time, preach a sign at the time, soundtrack to Purple Rain, no doubt wasn't a game, Rakim got him, see stories by Ricky D, the Fresh Fest tour, the foodies score. Daddy Kane's Raw and WA versus the law. Cute's America's most, bubbling on both coasts. I'm that 70s babe, repping hip hop with the 90s. Love moving or love below. ATL and Queens blow. We make the people say, wow, ha ha, make the ladies go, yeah, yeah. One time, baby, break it down, break it, break it down, yeah. Marvin Gaye, Donnie Hathaway, genius of Stephen Morris, Quincy Jones, Rick James, staying power of the Ice League, sound of Teddy Riley, Michigan Fab Five, Bad Boys of 89, picture J-Lo in a dorm, ha ha, okay I'm wrong, my senorita's so hot, it make me wanna write a song, skin tone, a knee along, it got me weak at the knees, smile of Alicia Keys, Stephen Curry for three, first step of KD, for real Nick, y'all killing me, black lover Ozzy Davis and his queen Ruby D, go supreme clientele, Apollo Kids, Fishtail, the cockiness of Kanye, the fashion sense of Pharrell, every party thrown by Diddy, any country, every city, Dre and Michelle's body, Sofia Vergara's titties, the minds of Will Ferrell, Ben Stiller, hilarious, Fight Dog, Rasta Roots, homie Scorpio, Aquarius, wow. Premier album posthume sorti précisément le jour du 6e anniversaire de la disparition du regretté membre de A Tribe Called Quest, qui nous quittait à l'âge de 45 ans le 22 mars 2016. Ce sera son second album solo, le premier était sorti en 2000, cela évidemment en plus des 6 LP mémorables parus avec ses acolytes Q-Tip et Ali Shahid Mohamed. Hommage et respect à Five Dog. Juste avant, nous sommes passés par un aussi bref que lo-fi, petit moment funky comme seul Madlib sait les concocter. Ici, c'est pour le nouvel et 15e opus du rappeur de Virginie, Fly Anakin. On enchaîne toujours au sein de la belle actualité avec le tout premier LP qui fait suite à une mixtape et un EP d'un tchatcheur britannique que nous avions découvert il y a 3 ans aux côtés de l'électronicien français Sébastien. Il vient de faire paraître un premier long format qui évolue entre sonorité électroniques et acoustiques sans jamais perdre de son unité ni de sa personnalité, notamment puisque l'ensemble se retrouve lié par le timbre parfait du londonien. Nous écoutons Gotham, extrait de Nobody's Home, premier album de Bakar. I wanted everything but a wedding ring. If I could just let them in, bring me my medicine. Stuck in the days, stuck in my ways, going insane today. Away, and I'm fiending for change. Counting my steps within. Dancing with your blessing, one at a time, still gasping for life, looking for change. Let's raise hell, and God willing, we can still prevail, yeah. See them shots. I need your Saturday. Stuck in a day. Shame you don't want me for me. Didn't feel a change. Nous venons de quitter coup sur coup deux nouveaux albums parus le même jour. Tout de suite, c'était une demoiselle de Floride avec son excellent Sophomore LP. 6 ans après le premier, entrecoupé d'un couple de EP, c'était le titre Choice Cowboy sur lequel elle convie le rappeur-chanteur mexicain Gene Dawson. Cet extrait de American Girl, nouvel album de Kylo Kish. Elle fut précédée par un extrait du nouveau long format d'un quintet new-yorkais qui ne cesse de repousser les limites de son univers hybride sans jamais entacher l'identité art-punk qui lui est propre. Tel est encore le cas le long de Famously Alive, 7e et nouvelle LP de Gary Latos. On continue la balade aux côtés de la belle actualité. On passe à la case remix de l'aventure avec la parution d'une série de 8 relectures, deux pièces issues du second et dernier long d'une artiste franco-vénézuélienne qui a su à qui s'adresser pour réussir cet exercice souvent à haut risque de l'album de remix. La preuve en est tout de suite avec la pièce Tress, remaniée ici par le producteur colombien Montoya. Voici la chica. Los astros no mienten, te siento bien alto. Cuéntanos qué ves, qué sientes, cuál es el secreto. êtes toujours sur les ondes de CISM et vous êtes bel et bien dans la MyFi. Nous venons de nous arrêter sur Picnic in the Dark, single extrait de l'album homonyme paru aujourd'hui même de la New-Yorkaise Renata Zeiger, précédé du nouveau single éclaireur annonçant un troisième album à paraître cet été de la demoiselle galloise que nous avions croisée pour la première fois il y a plus de 10 ans au sein du feu trio The Pipettes, Gwenno Sanders, qui comme pour son précédent album de 2018 écrit et chante en cornique, une langue insulaire britannique de la famille du Celtic, ce qui explique pourquoi je ne me risquerai pas à prononcer le titre. On poursuit l'aventure, toujours parmi les belles nouvelles du jour, avec une artiste que l'on suit et chérit depuis le premier jour, demoiselle rock'n'roll venue d'Atlanta dont chaque disque recèle de petites pépites. Et quand elle passe par la case reprise, c'est le fameux dub des Clash ou les Beastie Boys qui y passent. Nous écoutons Will's Fall Off, issu de Georgia Gothic, troisième et nouvel album de Mathiel. Thank you. cry for anyone known. Cover me in sugar, be natural. I need the liberty and the known people that I've been yanked. Don't waste one, hopefully sugar. Shepherds have it right. Company no sugar, be natural. I really love you. My days you always tremble in the chain, yeah. Don't waste one, hopefully it's sugar. Et ceux qui nous suivent de près savent à quel point on la suit, elle, de près. La toujours troublante et touchante artiste néo-zélandaise aux mimiques obliques et aux chansons magnifiques continue de parsemer sa discographie de disques absolument réussis. Nous venons de quitter Staring at the Henry Moore, extrait du nouvel et quatrième album de Aldous Harding. Juste avant, nous sommes passés par le folk à la fois sombre et aérien, issu du premier long format d'une demoiselle suisse et les siens, Delia Mushlier avec Over the Season, pour nous emmener vers le final de cet épisode de la MyFi. Nous nous quittons ce soir tout en déflagration de jazz avec le nouvel album du multi-instrumentiste et réalisateur new-yorkais Sly Fifth Ave, qui nous avait déjà joliment retourné tournée avec ses réinterprétations orchestrées de titres de Dr. Dre il y a 5 ans. Je vous laisse avec Agua de Jamaica, nouvel album en collaboration tout du long avec le pianiste mexicain Roberto Berastegui. Rendez-vous la semaine prochaine exactement au même endroit pour la suite de nos péripéties dans le monde des musiques d'aujourd'hui. D'ici la playlist et podcast se retrouvent sur le CISM893.ca, sur iTunes et sur le hifesoul.com. Mon nom est Zikia et c'était la MyFi sur les ondes de CISM. Bonne fin de semaine à tous. Bye.